Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler des rapides de Dobrovskiy. On va parler des rapides qui ont été qui ont remporté les grands honneurs en fin de semaine d'un match qui était serré, une finale serrée. Ça s'est rendu à la limite au complexe sportif du secteur de Dobrovskiy. Ça s'est passé dimanche après-midi. Gain de 2-0. On en parle avec Richard Fortin. Salut Richard. Salut David. Richard, 2-0. C'était très, très serré, ça. Définitivement, garde, les ambassadeurs nous ont livré une lutte très. Tu sais, ils nous ont livré une performance là, qui était capable de livrer. Tu sais, ce que je veux dire dans le fond, c'est que oui, tu sais, ils nous ont donné une performance impeccable. Tu sais, ils ont joué du hockey inspiré. Hein, je l'avais dit à la dernière entrevue, j'avais avec toi, que tu sais, il avait survécu à deux matchs suicides. C'est une équipe qui était motivée, qui était prête à aller jusqu'au bout, puis ils nous l'ont démontré. Ils nous ont donné du fil à retordre. Définitivement que ça a été une série plus serrée que peut-être qu'on l'aurait pensé. Mais d'un autre côté, moi, je te dirais que mes joueurs ont peut-être eu un petit excès de confiance lorsqu'on venait 2-1 à Chicoutimi. Je t'avais dit que j'avais planifié là, de remporter mes deux matchs à Chicoutimi samedi. Mais je pense que le quatrième match de la série, lorsqu'on met 2-1, ben, mes joueurs ont probablement mal sorti d'une mauvaise préparation, dû à un excès de confiance. Puis Chicoutimi qui a sorti le couteau entre les dents. OK. Mais ça, c'est compréhensible aussi, là. Je veux dire, un programme double, tous les programmes doubles qu'on a vus pour avoir fait le midget, c'est souvent ça. Là. On gagne un match, on en perd un autre. Écoute, oui, c'est l'excès de confiance qui est le plus grand danger. Hein. Donc, dans notre cas, ben, ce fut le cas. Donc, de trouver des moyens de motiver tes troupes, ben, tu vois, il semblerait que j'ai raté le tir. Regarde, j'ai fait comme si c'était la série était égale. J'ai préparé mes gars de la même manière, mais tu vois, mes gars m'ont pas. Déjà, quand je suis rentré dans la chambre lors de la préparation, les gars parlaient de quelle couleur ils allaient se bitcher les cheveux pour aller à la Coupe Dodge. Puis je leur ai dit, les gars, la game est pas gagnée. Là, regarde, on va finaliser la série avant de penser à la couleur de cheveux qu'on aura pour aller à la Coupe Dodge. Hein. Ouais. Donc, c'est de ramener tout le temps les gars à la réalité puis leur dire, regarde, c'est pas fini quand c'est pas fini. OK. Si on y allait maintenant avec la Coupe Dodge, on va y aller avec 2-0 dans le dernier match. Ça a été quand même assez. Ça a été à quelque part très, très. C'était très serré comme match. Là. Écoute, je te dirais, Danny, que mon plan de match, moi, au cinquième match, je sais que j'ai une excellente défensive, puis mon offensive est capable de me scorer des gros buts. Sauf que Chicoutimi, c'est une équipe qui peuvent faire des grandes choses, ils nous l'ont démontré. Et puis je me suis dit, garde, je vais attendre leurs erreurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que tu sais, j'ai demandé à mes petits gars de faire une garde de tranchée, d'être patient. Puis à un moment donné, qu'on allait prendre les devants, puis à partir de là, ben on allait tisser notre toile, puis c'est ce qu'on a fait. Donc tu sais, j'ai demandé à mes gars d'être patients. C'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça que peut-être que le score est 2-0. Mais on cachera pas que le gardien Chicoutimi a gardé encore un gros match. Il connaît une grosse série contre nous. Là, okay. D'ici à ce temps-là, c'est la Coupe d'Or, ça doit être la fin de semaine de Pâques, c'est ça? Exactement. Notre premier match est prévu jeudi, le 18 avril, là, contre la région du Richelieu. T'as-tu un petit peu des équipes? Sais-tu un peu à quoi t'attendre de la Coupe d'Or? Des équipes? Oui, définitivement. Lorsqu'on a gagné le tournoi provincial à Saint-Anselme, j'ai été chanceux d'être présent lors de ce week-end-là, dans le sens que il y avait beaucoup de clubs dans les 15 premiers rangs au classement POC, là, au niveau provincial. Donc, je les ai affrontés. Puis, tu sais, tu te souviens qu'on avait gagné la finale. J'ai joué contre la première position, qui est encore la première position au Québec actuellement. Donc, je sais à quoi m'attendre. Tu sais, je sais ce que j'ai de besoin. Je sais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que mes gars doivent faire. Donc, oui, définitivement que je m'en vais pas vers de l'inconnu. OK. D'ici à ce temps-là, tu t'enlignes comment? Je veux dire, ben, avec les pratiques? Ouais, pour garder la forme, on a réussi parce que tu m'avais fait part que les arénas dans le haut du lac fermeraient. Et t'avais un bon scoop. Tu vois, je savais pas. Et effectivement, Normandin a fermé lundi soir. Donc, Mississauga, Dolbeau et Normandin sont fermés actuellement. Ouf, donc, okay. On va se tourner vers Saint-Félicien. Puis tu vois, on va avoir trois pratiques d'une heure et demie avant de partir pour la Coupe Dodge. C'est suffisant? Oui, parce que, regarde, le club est rodé. C'est plus de toucher à la glace qui est important. Puis, tu sais, la machine est bien huilée, bien rodée, là. Tu sais, non, regarde, c'est trois pratiques d'une heure et demie, ça va être suffisant, oui. OK. Ben, Richard Fortin, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo pour la participation à la Coupe d'Oge, puis au plaisir de se reparler. Puis, on va se reparler sûrement une fois pour le bilan de l'année. Hey, t'es super gentil, Dani. Merci beaucoup. L'instructeur-chef des Rapides de Beaubassin, Richard